L'enseignement de Ramana Maharshi. Traduction de Eleonore Breitenberg. Introduction. Ramana Maharshi est un des plus grands sages et maîtres spirituels de l'Inde moderne. Il est venu pour transmettre l'ancienne sagesse de l'Advaita Vedanta sous une forme nouvelle, simple et claire, basée sur sa propre expérience, et a rendu accessible à l'homme d'aujourd'hui le Jnana Marga, la voie de la connaissance. À l'âge de 16 ans, il fit l'expérience profonde du soi sans jamais avoir reçu l'enseignement d'un gourou. Il devint instantanément un sage qui, à partir de cet instant, demeura toujours conscient de son identité avec l'absolu. Les chercheurs de vérité, ainsi que les innombrables visiteurs qui venaient le voir à la sainte montagne Arunachala, voyaient en lui un sage d'une pureté sans égale et qui incarnait la vérité éternelle des Upanishads. Nombreux sont les témoignages de ceux qui se sentaient transformés en sa présence et ont eu un avant-goût de la félicité devant laquelle les plaisirs du monde s'effacent d'un seul coup. Ramana Maharshi et la montagne Arunachala sont indissociables. Située en Inde du Sud, Arunachala est reconnue comme un des hauts lieux les plus sacrés de l'Inde. C'est là que Sri Ramana a vécu à partir de sa 17e année jusqu'à la fin de sa vie terrestre. D'après les anciennes écritures, depuis le tout début de la création, les chercheurs de vérité ont été attirés par les qualités mystiques de cette montagne et sa splendeur spirituelle. Vénérée comme Shiva même, le simple fait de penser à elle procure moksha, la délivrance. Sri Ramana voyait en Arunachala le centre spirituel du monde. Il l'adorait comme une manifestation de l'être suprême et lui a dédié plusieurs hymnes d'une ferveur exceptionnelle. À environ 50 km au sud de Madurai, dans le sud de l'Inde, se trouve une petite ville nommée Tiruchuli, connue surtout des pèlerins pour son temple de Shiva. C'est là que vivaient Sundaram Iyer, un avocat, et sa femme, Alagamal. Le 30 décembre 1879, à 1h du matin, leur naquit un deuxième fils qui fut nommé Venkataraman et qui sera plus tard connu sous le nom de Ramana Maharshi. C'était un jour favorable, le jour où les adorateurs de Shiva célébraient l'Ardra Darshana, la fête qui commémore l'apparition de Shiva en tant que Nataraja, le danseur cosmique. Ce jour-là, son image est sortie du temple et portée en procession dans les rues de la petite ville. Au moment précis où la divinité retournait dans le temple, Venkataraman naquit. Parmi les personnes présentes cette nuit-là, il y avait une sage-femme aveugle. Au moment de la naissance, elle fut bénie par la vision d'une lumière et s'exclama « L'enfant qui est né dans votre maison est sûrement un être divin. » L'enfance de Venkataraman ne laissait en rien entrevoir un avenir exceptionnel, ni sur le plan mondain, ni sur le plan religieux. C'était un garçon intelligent, mais qui montrait peu d'intérêt pour les études. De constitution robuste et saine, il était plutôt épris de sport et des jeux de plein air. Rien ne le distinguait de ses camarades hormis deux particularités. Une mémoire exceptionnelle et un sommeil si profond que rien ne pouvait le réveiller. Ses camarades profitaient souvent de cette situation. Ils s'amusaient à le sortir de son lit, à le frapper à cœur joie, à le transporter d'un endroit à un autre et à le remettre dans son lit sans que le jeune Venkataraman se réveille. Il ne s'apercevait de rien jusqu'à ce que ses camarades, à son réveil, lui fassent part de ce qui s'était passé. En 1892, à l'âge de 12 ans, Venkataraman perdit son père. La mère et ses quatre enfants furent obligés de se séparer. Venkataraman et son frère aîné furent accueillis par un oncle à Madurai. Celui-ci l'envoya d'abord à l'école secondaire écossaise, puis à l'école supérieure de la mission américaine. En 1895, lorsque Venkataraman eut 15 ans, l'appel d'Arunachala se fit entendre pour la première fois. Bien que né dans une famille de brahmanes traditionnels et pieuses, le jeune écolier n'avait pas reçu d'instruction religieuse. Pour lui, Arunachala n'était que la vague représentation d'un endroit mythologique ou d'une région céleste. Jusqu'au jour où un ami de la famille vint en visite. Venkataraman lui demanda d'où il venait et l'ami répondit « d'Arunachala ». L'effet fut magique. Le nom Arunachala se mit à vibrer en lui et il devint pour la première fois conscient qu'Arunachala était un endroit réel, un endroit où l'on pouvait se rendre. Et son cœur fut empli de joie. Peu après, un autre incident attira le garçon vers les valeurs spirituelles profondes. Ce fut en lisant pour la première fois un livre religieux, le Periyapuranam, un recueil de récits sur la vie des 63 saints shivaïtes. À nouveau, une grande joie submergea le jeune Venkataraman. Inspiré par l'exemple de ferveur dévotionnelle de ces saints, il sentit s'éveiller dans son âme le désir de suivre l'esprit de renonciation et de dévotion qui constitue l'essence d'une vie sainte. Mais cette expérience ne sembla pas laisser une impression durable, et il continua à mener la vie de tout étudiant à cette époque. C'est en juillet 1896 que sa grande transformation eut lieu. Venkataraman était dans sa 17e année. Plus tard, Sri Ramana décrivit lui-même ce qui se passa à cet instant en ces termes. J'étais assis seul dans une pièce du premier étage, dans la maison de mon oncle. Comme d'habitude, ma santé était parfaite, mais soudainement une peur violente de la mort me saisit sur laquelle on ne pouvait se tromper. J'eus la sensation que j'allais mourir. Il ne se passait rien dans mon corps qui pouvait expliquer cette sensation, et je ne pouvais me l'expliquer moi-même. Je n'ai pas cherché à savoir si la peur était bien fondée. J'ai senti « je vais mourir », et aussitôt je me suis demandé ce qu'il fallait faire. Faire appel à des docteurs, la famille ou des amis ne m'importait pas. J'ai senti que je devais résoudre le problème moi-même, sur le champ. Le choc causé par la peur me rendit aussitôt introspectif. Je me suis demandé, maintenant que la mort est là, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui meurt? C'est ce corps qui meurt. Alors aussitôt, j'ai mimé la scène de la mort. J'étendis mes membres en les tenant raides comme si la rigidité cadavérique s'était installée. J'imitais la condition d'un cadavre pour donner un semblant de réalité à mon investigation. Je retins ma respiration et serrai les lèvres pour qu'aucun son ne pût s'en échapper, pour que le mot « je » ou tout autre mot ne pût être prononcé. « Eh bien, me disais-je, ce corps est mort. Tout rigide, il sera transporté au champ crématoire où il sera brûlé et réduit en cendres. Mais, avec cette mort du corps, suis-je mort moi-même? Ce corps, est-il le jeu? Il est silencieux et inerte, mais je sens la pleine force de ma personnalité et même le son « jeu » en moi, séparé du corps. Ainsi, je suis un esprit, quelque chose qui transcende le corps. Le corps physique meurt, mais l'esprit qui le transcende ne peut être touché par la mort. Je suis donc l'esprit immortel. Tout cela n'était pas un simple processus intellectuel. Tout jaillissait devant moi comme la vérité vivante que je percevais directement, presque sans raisonnement. Le « je » était quelque chose de très réel, la seule chose réelle en cet état. Et toute l'activité consciente en relation avec le corps était centrée sur lui. Depuis cet instant, le « je » ou « mon soi » par une fascination puissante, fut le foyer de toute mon attention. La peur de la mort s'est évanouie instantanément et pour toujours. L'absorption dans le soi s'est poursuivie dès lors jusqu'à ce jour. D'autres pensées s'élèvent et disparaissent comme diverses notes de musique, mais le « je » demeure toujours comme la « shruti », la note sous-jacente qui accompagne les autres notes et se confond avec elles. Que le corps fût occupé à parler, lire ou quoi que ce soit d'autre, j'étais toujours centré sur le « je ». Avant cette crise, je n'avais pas de perception claire du « je » et je n'étais pas attiré consciemment vers lui. Je ne ressentais pour lui aucun intérêt directement perceptible, encore moins la tendance à demeurer en lui d'une manière permanente. Cette expérience changea totalement la vie et les habitudes du jeune Venkataraman. Il délaissa ses relations et ne poursuivit ses études que machinalement. Son attention était tout ailleurs. Il préférait rester seul, absorbé dans la concentration du soi, ou se rendre au temple où il restait des heures devant Meenakshi ou Shiva, en profonde adoration. Sa famille avait observé son changement et le réprimanda plusieurs fois pour son indifférence aux études. 6 semaines s'écoulèrent ainsi, lorsqu'un jour, alors que Venkataraman était en train de faire ses devoirs, la futilité du travail scolaire le frappa soudainement. Il repoussa ses papiers et s'abandonna à la méditation. Son frère, le voyant ainsi, lui dit « À quoi bon retenir tout ceci pour quelqu'un qui se comporte comme toi ?» Venkataraman reconnut la justesse de cette remarque et décida d'abandonner sur le champ son foyer familial à Madurai pour rejoindre son père Arunachala. Pensant que le voyage ne coûterait pas plus de 3 roupies, il rendit 2 des 5 roupies que sa tante lui avait confiées pour payer les frais de scolarité de son frère, écrivit une lettre, la plaça en évidence et partit pour la gare. C'était le 29 août. Voici le contenu de cette lettre. Je suis parti d'ici à la recherche de mon père et en obéissant à son ordre. C'est une entreprise vertueuse que celui-là entreprend. Il est donc inutile de s'en attrister et de dépenser de l'argent pour rechercher celui-là. Les frais de scolarité n'ont pas été payés. 6 juin, 2 roupies. La lettre n'était signée que d'un simple trait. Après un voyage plein d'imprévus, laissant deviner l'intention d'une force le conduisant vers son but, il arriva enfin le matin du 1er septembre au pied de son père, Arunachala. D'un pas rapide et le cœur battant, il se dirigea vers le grand temple. Toutes les portes étaient ouvertes, même celle du sanctuaire d'Arunachaleshvara. Et, chose étrange, il n'y avait personne, pas même un prêtre, de sorte que Venkataraman put y entrer seul et demeurer longtemps en extase devant son père. Puis il sortit du temple, se fit raser la tête, jeta les quelques pièces de monnaie qui lui restaient dans l'eau du bassin et, pour finir, ce défi du cordon sacré de Brahman. Le reste de ce que nous considérons comme sa vie, Ramana l'amena exclusivement à Tiruvannamalai. Il passa les premiers mois dans les enceintes du grand temple, se soustraya à l'attention des curieux et des importuns en se réfugiant dans un sanctuaire souterrain, le Patala Lingam, et fut vite pris en charge par des sadhus qui veillait sur lui et lui apportait de la nourriture. Les yeux fermés, il resta jour après jour, nuit après nuit, absorbé dans la réalité, complètement immobile. Après 6 mois ainsi passés en différents lieux du grand temple, on lui suggéra de s'installer dans un petit temple tranquille dans les environs de Tiruvannamalai, appelé Gurumurtam. Le Swami accepta et s'y rendit. Il commença à être connu sous le nom de Brahmana Swami et à avoir des fidèles. De plus en plus de pèlerins et de curieux venaient le voir, tandis qu'il restait toujours en silence et immobile, absorbé dans l'infini. Quelque temps après son arrivée à Gurumurtam, un sadhu nommé Palaniswami se joignit à lui et s'occupa de lui avec une fervente dévotion. Le suivant comme son ombre, Palaniswami devint son serviteur et disciple pour les 17 années à venir. En mai 1898, après avoir séjourné environ 1 an à Gurumurtam, le Brahma Swami s'installa dans un bosquet de manguiers avoisinant. C'est là qu'il commença à acquérir la vaste érudition dont il fit preuve plus tard. Palaniswami avait pour habitude d'apporter des livres sur le Vedanta, comme la Kaivalya Navanita, le Vedanta Chudamani, le Yoga Vasishta, etc. Mais comme il éprouvait des difficultés à les lire, le Swami vint à son aide, les lut et exposa à son disciple émerveillé l'essence de leur enseignement. Le sage, par la clarté de son intelligence, ses facultés exceptionnelles de mémorisation et son expérience illuminatrice, non seulement reconnaissait d'un seul regard leur sens, mais retenait facilement tout leur contenu. Plus tard, il lut d'autres livres pour d'autres fidèles et, sans rechercher l'érudition, devint érudit, de sorte qu'il pouvait répondre à toutes les questions traitant de sujets philosophiques et métaphysiques, et cela en plusieurs langues. Entre-temps, à la Gamal, la mère de Ramana, le cœur brisé par le départ de son fils, supplia sa famille d'entreprendre des recherches. Après de nombreuses enquêtes, Venkataraman put être repéré. Un jour, son oncle vint le trouver et tenta de son mieux de le ramener auprès de sa famille, mais sans succès. Le jeune sage ne montra aucun intérêt pour le visiteur qui fut bien ému de le voir dans cet état. Pas lavé, échevelé, les ongles très longs, le Swami resta assis sans bouger et sans dire un mot. L'oncle, désappointé, retourna à Madurai et rapporta la nouvelle à Alagamal. 6 mois plus tard, le Brahmana Swami avait abandonné le bosquet de manguiers et s'était installé à Pavalakunro, un petit temple sur un éperon de la colline d'Arunachala, lorsque sa mère, accompagnée de son fils aîné, vint peu après le trouver pour l'implorer de rentrer à la maison. Jour après jour, les yeux en larmes, elle alla le voir et le supplia de revenir avec elle. Mais pour le jeune sage, il n'y avait plus de retour possible. Il resta immobile devant sa mère, sans répondre à ses supplications. Un jour, Alagamal éclata en sanglots. Le jeune Swami se leva aussitôt et lui tourna le dos. Désespérée de son indifférence, elle demanda à un fidèle d'intervenir auprès de son fils. Celui-ci, pris de pitié, tendit au Swami un morceau de papier et un crayon et le pria d'écrire à sa mère au moins quelques mots. Le Swami accepta et écrivit ce qui suit. Celui qui ordonne toutes choses contrôle le destin des êtres en accord avec leur prarabdha karma. Tout ce qui est destiné à ne pas se produire ne se produira pas, quel que soit votre effort. Tout ce qui est destiné à se produira, quel que soit votre effort pour l'empêcher. C'est une chose certaine. La meilleure conduite à suivre est donc de rester tranquille. Sa mère, désespérée, retourna à Madurai. Thank you. Peu après le départ de sa mère et de son frère, le jeune Ramana quitta Pavalakonro et monta sur la colline. Maintenant, le Swami ne se déplaçait plus sans être suivi par un groupe de fidèles. Les années suivantes, jusqu'en 1922, il déménagea d'une grotte à l'autre. « Il y a beaucoup de logis dans la maison de mon père, » disait-il. La grotte qu'il choisit en premier et où il séjourna le plus longtemps était nommée Virupaksha, d'après le nom d'un saint qui y vivait jadis et qui y est enterré. Pendant les premières années, Brahmana Swami continua à garder le silence. Il passait son temps en méditation, mais sa puissance rayonnante attirait déjà les foules. La plupart étaient des gens simples, des enfants et même des animaux. Les enfants s'asseyaient près de lui et le regardaient en silence, goûtant simplement la paix de sa présence. Et parfois, quand ils jouaient autour de lui, le Swami se joignait à eux dans leur jeu. Parmi ces gens simples, il y avait des curieux, mais beaucoup venaient pour être réconfortés ou spirituellement guidés. Etchamal était de cela. Son chagrin après la perte de son mari, de son fils et de sa fille, la conduisit chez le sage et, grâce à sa compassion, sa douleur fut instantanément guérie. Désormais, elle gravissait tous les jours la pente de la montagne jusqu'à la grotte pour apporter les repas au Swami et à tous ceux qui vivaient avec lui. Après quelque temps, des savants et des chercheurs spirituels commencèrent, eux aussi, à être intéressés par le Swami. Ils apportaient des livres pour qu'il leur explique certains points, ou venaient pour clarifier leurs doutes et poser des questions au sujet de leurs expériences spirituelles. Les solutions que le Swami leur proposait étaient simples et basées sur sa propre expérience. Comme il observait toujours le silence, il ne répondait que par écrit. Ainsi, le traité Vichara Sangraha provient des réponses que le Swami avait un jour écrites sur des petits bouts de papier et qu'un fidèle avait précieusement conservées. Parmi ces chercheurs, il y avait Shiva Prakasam Pillai. En 1902, il posa, à plusieurs reprises, 14 questions auxquelles le Swami répondit en écrivant dans le sable et sur une ardoise. Dès la première rencontre, Shiva Prakasam Pillai posa la question fondamentale. « Qui suis-je ?» Ces 14 questions et réponses furent publiées 20 ans plus tard dans une brochure sous le titre « Nanyar », qui signifie « Qui suis-je ?» et représente l'essence de l'enseignement du Maharshi. Celui-ci n'avait alors que 23 ans, mais le fond de son enseignement sur la réalisation du soi ne changera pas. En 1903, vint à Tiruvannamalai, pour la première fois, un grand érudit nommé Ganapati Shastri, ou Ganapati Muni. Il portait le titre de Kavyakanta, c'est-à-dire celui qui a la poésie dans la gorge, et ses disciples l'appelaient Nayana, ce qui signifie « père ». Il visita le Brahmana Swami deux fois à la grotte Virupaksha. Il revint en 1907, assailli de doutes sur ses propres pratiques spirituelles. Il gravit la montagne, vit le Swami assis seul sur la véranda, tomba à terre, s'agrippa à ses pieds et lui dit « tout ce qu'on doit lire, je l'ai lu. J'ai même compris entièrement les Vedanta Shastra. Je me suis livré à cœur joie au Japa. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas compris ce qu'est le tapas. C'est pourquoi je cherche refuge à vos pieds. Je vous supplie de m'instruire sur la nature du tapas. » Le Swami le regarda pendant 15 minutes. Puis, rompant pour la première fois un silence de 11 ans, il répondit « Lorsqu'on observe d'où s'élève la pensée « je », le mental est absorbé dans cela. Voilà le tapas. Si, en répétant un mantra, on porte son attention à la source d'où provient le son de ce mantra. Le mental est absorbé dans cela. Voilà le tapas. Cette instruction emplit le cœur du savant d'une joie extatique. Jamais dans un livre il n'avait trouvé un tel enseignement. Enfin, toutes ces années d'ascèse portaient leurs fruits. Apprenant que le nom du Swami était Venkataraman, le Muni abrégea celui-ci en Ramana et proclama que désormais le Brahmana Swami devait être connu dans le monde entier sous le nom de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Bhagavan signifiant divin et Maharshi, grand sage. En 1917, Ganapati Muni et ses disciples posèrent un certain nombre de questions au Maharshi. Puis, le Muni versifia les questions et les réponses en sanskrit et les réunit dans un ouvrage intitulé Sri Ramana Gita. Ce fut certainement le contact avec Ganapati Muni qui fit si rapidement progresser les connaissances du Maharshi en sanskrit. Bien que Sri Ramana ait fait comprendre à sa mère lors de sa première visite que tout lien familial était désormais coupé, elle continua néanmoins à lui rendre visite. En 1914, lors d'une de ses visites, elle tomba sérieusement malade. Ramana s'occupa d'elle avec grand soin et, quand son état devint critique, il composa un poème implorant son père Arunachala de la guérir. C'est la seule prière connue qu'il ait jamais faite pour influencer le cours des événements. La prière fut exaucée et elle retourna chez elle. En 1916, après la mort de son fils aîné et de son beau-frère, Alagamal quitta définitivement Madurai pour passer les dernières années de sa vie auprès de son fils Aset. Elle devient bientôt sa disciple fervente et Sri Bhagavan l'accepta comme membre de l'ashram. Le nombre de visiteurs et de fidèles étant devenu trop important pour les ressources en eau à la grotte de Virupaksha, Sri Bhagavan s'installa, peu de temps après l'arrivée définitive de sa mère, à Skandashram, un ermitage un peu plus haut sur la colline, près d'une source. Ce fut le commencement d'une nouvelle vie d'ashram. Le lieu, entouré de manguiers et de cocotiers, était une oasis de fraîcheur. Les journées étaient ponctuées de chants, méditations, lectures en présence du maître. Après sa promenade du matin, Sri Bhagavan restait assis en silence, entouré de ses disciples. De temps à autre, il répondait à leurs questions, clarifiait leurs doutes. L'atmosphère était calme et paisible. Les uns lisaient, les autres méditaient, tous enveloppés par la force émanant du maître. Sa mère cuisinait pour les membres de l'ashram et les visiteurs, dont le nombre ne cessait d'augmenter. La vie sur la montagne n'était pas facile pour elle. Outre le manque de confort, elle recevait de son fils un entraînement spirituel sévère qui devait la préparer aux derniers instants de sa vie. En 1920, elle commença de s'affaiblir et sa santé déclina. Sri Bhagavan ne cessa de lui prodiguer des soins pendant sa maladie et passa souvent la nuit entière auprès d'elle. Puis la fin approcha. Le 19 mai 1922, son état devint critique. Après sa promenade matinale, Sri Bhagavan alla dans sa chambre, s'assit à ses côtés et plaça la main droite sur sa poitrine, la main gauche sur sa tête. Il resta ainsi toute la journée pendant que les disciples récitaient les Védas et chantaient l'Aksharamana Malai, un des hymnes à Arunachala, composé par le Maharshi pendant ses années à la grotte de Virupaksha. vers 8 heures du soir, au milieu de ces chants sacrés, Alagamal quitta son corps. C'est par le toucher divin de Sri Bhagavan qu'elle s'absorba dans la réalité suprême. Son corps fut enterré au pied de la colline. Sri Ramana continuait à vivre à Skandashram avec quelques fidèles, mais descendait tous les jours visiter sa tombe. Après 6 mois, il s'installa définitivement au pied de la montagne près du samadhi de sa mère. Ce fut le début de l'ashram de Sri Ramana, qu'on appela Sri Ramanashramam. À cette époque, les disciples avaient le privilège de vivre auprès du maître et de partager toutes les activités quotidiennes avec lui. Dans ce cercle intime autour de Bhagavan, ils n'étaient que 4 ou 6 à résider à l'ashram, ils pouvaient pleinement profiter de sa présence et de son enseignement. Ils accompagnaient régulièrement Bhagavan quand celui-ci faisait le tour de la montagne, se levait à 3 heures du matin pour participer avec lui aux tâches de la cuisine ou rester simplement, parfois des nuits entières, assise en sa présence. À mesure que le nombre de fidèles augmentait, l'ashram grandissait. Les donations permettaient de construire des bâtiments, cuisines, salles à manger, des pavillons pour recevoir les fidèles et les visiteurs occasionnels, une école pour les études des Védas et un temple au-dessus de la tombe de la mère, temple qui fut consacré en 1949. La renommée de Sri Ramana grandissait de plus en plus, et cela bien au-delà des frontières. Des milliers de visiteurs désiraient recevoir son darshan. Les uns venaient un court moment, d'autres pour un séjour prolongé. Les uns plaçaient leurs souffrances à ses pieds, d'autres cherchaient à clarifier leurs doutes, et d'autres enfin à être guidés dans leur quête spirituelle. Mais, au fond, tous cherchaient la même chose, la paix de l'esprit. La grâce est toujours là, disait le Maharshi. Le récipient avec lequel vous venez se remplit suivant sa capacité. Nombreux étaient ceux qui partaient soulagés de leur fardeau, le cœur rempli de grâce. Les visiteurs étaient variés, du simple paysan jusqu'au Maharaja, de l'illettré jusqu'à l'intellectuel, des hindous orthodoxes, des occidentaux, tous se prosternaient devant le sage qui, assis sur son sofa, jour et nuit dans la même pièce et disponible à toute heure, recevait tout le monde avec le même respect et la même attention. Cette attention, il la portait aussi aux animaux et aux plantes, au point de provoquer la jalousie chez ses fidèles. Comparable à saint François d'Assise, Sri Bhagavan avait le don de communiquer avec eux. Singes, oiseaux, vaches, paons et chiens, tous cherchaient sa compagnie et avaient le privilège de s'approcher de lui, d'être caressés ou nourris par lui. Sa simplicité et son sens de l'égalité étaient légendaires. Bien que vénéré comme un dieu incarné, il refusait tout traitement privilégié et cela systématiquement, que le motif fût caché ou ouvertement déclaré. Tous les dons devaient être partagés, sinon il ne les acceptait pas. Il incarnait la perfection et portait à l'excellence tout ce qu'il faisait. L'observer dans la cuisine couper des légumes et préparer les repas était un enseignement en soi. Ceux qui vivaient en sa présence et partageaient son quotidien apprenaient par son exemple que porter la perfection dans chaque activité était une nécessité pour tout progrès spirituel. En 1947, sa santé commença à décliner. Il ne pouvait plus recevoir les visiteurs à toute heure du jour et les portes de la pièce où il donnait le darshan étaient désormais fermées la nuit. En 1949, un petit nodule apparut sur son bras gauche qui se développa rapidement en une tumeur maligne. Il fut opéré à 4 reprises entre février et décembre, mais la tumeur revint à chaque fois. L'entourage de Sri Bhagavan se doutait que sa fin n'allait pas tarder. Les médecins étaient impressionnés par son indifférence surhumaine vis-à-vis du corps et de la douleur. Les douleurs devaient être atroces, mais l'expression de son visage ne restait pas moins tranquille, son sourire pas moins bienveillant. Quand les fidèles, déconcertés, le prièrent de se guérir par sa propre volonté, il répondit « Tout s'arrangera en temps voulu. » et ajouta « Qui est là pour le vouloir ?» À une autre occasion, Bhagavan consola un disciple anxieux en disant « Ils prennent ce corps pour Bhagavan et lui attribuent la souffrance. Ils prétendent que Bhagavan les quitte, mais où peut-il aller et comment ?» Les derniers jours, des centaines de fidèles défilèrent devant la petite chambre qui avait été construite pour lui. Sri Bhagavan, étendu sur son lit sur la véranda, donna le darshan matin et soir jusqu'à sa fin et ne permit pas qu'on l'arrêtât. Le vendredi soir du 14 avril 1950, la foule venue de loin et de près fut encore plus grande, et cette fois-ci, elle ne se dispersa pas après le darshan, se doutant que son état était critique. Quand la fin approcha, toute l'assemblée se mit à chanter Lakshara Mana Malai, avec le refrain disant Arunachala Shiva, Arunachala Shiva. Les yeux de Bhagavan s'ouvrirent un peu. Sur ses lèvres apparut un léger sourire. Le long d'une joue coulèrent quelques larmes de félicité. Et à 8h47, une expiration. Et aucune inspiration. Pas de lutte, pas de spasme, aucun signe qu'il mourait. À ce moment même, une comète d'une lumière éclatante traversa lentement le ciel, se dirigea vers Arunachala et disparut derrière le sommet. La forme visible de Bhagavan s'était absorbée dans la réalité suprême d'Arunachala. La comète a été vue dans toute l'Inde du Sud. Des fidèles à Madras se doutèrent alors de ce qui s'était passé et se précipitèrent à Tiruvannamalai. Henri Cartier-Bresson, qui avait pris les fameuses photos des derniers jours du Maharshi, accourut pour vérifier si l'heure de la comète coïncidait bien avec le Mahanirvana de Sri Ramana. Ils disent que je vais mourir. Mais je ne pars pas. Où pourrais-je aller? Je suis là. Ramana Maharshi enseignait et transformait les êtres, surtout par la force de sa présence silencieuse. Pour ceux qui ne pouvaient entendre ce saint silence et capter la grâce qui émanait de lui, le Maharshi quittait ses conversations avec l'infini et répondait avec soin aux questions qui lui étaient posées. Mais tout le monde n'a pas eu la chance d'être assis à ses pieds et de recevoir l'enseignement direct par son silence ou par ses paroles. La parole écrite est donc indispensable pour que son message atteigne le plus grand nombre, au long des siècles, et accompagne les chercheurs comme un guide constant. Les entretiens avec ses fidèles ou les visiteurs occasionnels ont dû être très nombreux, et nombreux sont certainement ceux qui sont restés sans témoignage écrit. Par bonheur, et surtout par sa grâce, une partie des paroles de Ramana ont été préservées. Lui-même n'écrivait que très peu, et presque tout ce qu'il a écrit le fut à la demande de ses disciples. Des poèmes exposant son enseignement advaitique, des hymnes dédiés à Arunachala, quelques poésies, adaptations et traductions. Entre les années 1935 et 1939, un certain fidèle, Munagala S. Venkataramya, aussi appelé Swami Ramananda Sarasvati, a pris la peine de noter les échanges verbaux auxquels il avait assisté. Bhagavan Ramana était alors au zénith de sa mission visible. Le livre de Paul Brunton, L'Inde secrète, l'avait fait connaître dans le monde entier et de nombreux Occidentaux venaient grâce à ce témoignage. La foule de visiteurs indiens, venant de tous les coins du pays, s'accrut également et tout ce monde était reçu par le Maharshi dans le petit hall ouvert jour et nuit. Les notes de Munagala Venkataramya furent publiées sous le titre « Talks with Sri Ramana Maharshi ». Le Major Chadwick, un Anglais arrivé à Thiruvannamalai en 1935 et disciple fervent du Maharshi, était souvent présent dans le hall pendant ces 4 années et eut lui-même des entrevues intéressantes avec lui. Il écrivit, pour la première édition de 1955 de la version originale anglaise, une introduction dont voici quelques extraits témoignant de l'ambiance dans laquelle s'étaient déroulées ces entrevues. Bien que Sri Venkataramya fût tout à fait qualifié pour faire ce travail, suivre Sri Bhagavan lorsqu'il se mettait à parler n'était pas chose facile. Il maîtrisait si bien son sujet qu'il n'hésitait jamais sur un terme, quelle que soit la langue dans laquelle il s'exprimait. Ainsi, au fait que ceux qui écoutaient ne pouvaient prendre que peu de notes, trop occupés qu'ils étaient à ne pas manquer un seul mot, s'ajoutait encore la difficulté de comprendre ce que disait le maître. On peut donc facilement imaginer combien il était difficile de prendre ses notes. Seul celui qui a été assis pendant des années au pied du maître et qui a parfaitement assimilé sa philosophie et la manière dont il l'exposait était compétent pour mener à bien cette tâche. Par bonheur, Sri Venkataramya se trouva être la personne idéale pour cela. Le langage utilisé ici n'est pas toujours élégant, mais vu les circonstances, on ne pouvait s'attendre à mieux. Bien entendu, on aurait pu le corriger, mais on a préféré le laisser tel quel pour ne pas perdre une certaine spontanéité qui lui est propre. Les entretiens se sont déroulés dans les différentes langues parlées en Inde du Sud, mais la plupart ont été notés en anglais, le reste en tamoul ou telugu, et ensuite traduits pour cet ouvrage. Les notes, une fois complétées, ont été souvent montrées à ceux qui avaient posé les questions pour qu'ils les vérifient, mais l'ensemble porte le sceau de l'approbation de Sri Bhagavan lui-même, car les notes lui ont toujours été soumises pour qu'il les approuve ou les corrige si nécessaire. Ainsi, nous pouvons être sûrs de disposer de l'enseignement exact du maître. Et en les lisant, nous sommes de nouveau assis à ses pieds dans le hall, buvant chaque mot qui tombe de ses lèvres, émerveillés par son sourire, les mouvements de ses mains délicates et par ses mimiques. Car il fut un véritable artiste, souvent interprétant par des gestes l'histoire qu'il était en train de raconter afin de mieux faire comprendre son sens. Puis le Major Chadwick conclut. Certains peuvent être enclins à critiquer ce livre en disant qu'il est monotone, mais cette soi-disant monotonie est délibérée, et il y a toujours un nouveau point qui ressort, même si l'entretien peut sembler semblable aux autres. Sri Bhagavan insista sur la seule vérité essentielle pour la libération. Il n'existe qu'un seul soi, et rien d'autre que le soi. Le connaître, c'est connaître tout le reste. Cela ne peut être répété trop souvent. Vous êtes le soi, nous dit-il, rien que le soi. Tout le reste n'est qu'imagination. Alors soyez le soi, ici et maintenant. Il n'est pas nécessaire de se retirer dans une forêt ou de s'enfermer dans une chambre. Poursuivez vos activités essentielles, mais libérez-vous de l'association avec leur auteur. Le soi est le témoin. Vous êtes cela. La lecture de ce livre conduit automatiquement vers l'intérieur, vers la source. Elle est une sadhana suffisante en soi. Ne vous faites pas d'illusions. Vous êtes déjà cela. Il n'y a rien de plus à obtenir. Il n'y a que la fausse association à éliminer, la limitation à reconnaître comme illusoire. La méthode du Maharshi pour atteindre cela est bien connue. C'est l'Atma Vichara. Toujours et à tout moment, cherchez la source de l'ego, l'acteur apparent. Et lorsque ce but sera atteint, nous dit-il, l'ego s'évanouira de lui-même et rien ne subsistera à part le soi, qui est toute félicité. L'enseignement de Ramana Maharshi est basé sur sa propre expérience et vise à conduire le questionneur à sa véritable nature. Tous ne pouvant saisir la signification la plus élevée de ses instructions, le Maharshi, avec un rare sens pédagogique, adaptait ses réponses au niveau de compréhension de ceux qui venaient chercher son conseil. Ainsi, était-il souvent obligé de quitter son point de vue absolu pour répondre d'un point de vue relatif, correspondant au niveau de la question posée. Cela explique les apparentes contradictions de ces réponses qu'on croit constater ici et là dans cet ouvrage, mais qui, en définitive, ne proviennent que de points de vue différents. Bien entendu, c'est l'aspect absolu, seul le soi existe, qui correspond à l'expérience du Maharshi, et c'est vers lui qu'il essayait de guider, d'une manière directe ou indirecte, visible ou invisible, tout être venant le voir.